Selon le journal sud-coréen Pyongyang Sinmun, le syndicat national des enseignants et le syndicat national des fonctionnaires ont publié une déclaration pour la démission de Bakune le 4 novembre au nom de 42 239 membres. Ils ont déclaré refuser résolument de prendre parti pour le pouvoir injuste et exiger la démission de Bakune et la dissolution de l'actuel pouvoir.